إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on va donc parler ce soir de l'importance de la prière de nuit et notamment de la prière de Tarawih qui fait partie des particularités du mois de Ramadan. Et comme vous le savez, cette prière est une sunna confirmée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accompli cette prière avec ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum durant plusieurs nuits du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum priaient derrière lui. Puis, quelques nuits après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu. Et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils l'attendaient pour cette prière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu par peur que cette prière devienne obligatoire pour sa communauté. Donc il l'a délaissée en cette nuit-là. En effet, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accompli constamment cette prière et qu'il ne l'avait pas délaissée, alors elle serait devenue obligatoire. Donc il l'a délaissée une nuit afin que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum sachent que cette prière n'est pas obligatoire. Mais c'est une sunna confirmée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle fait partie des particularités du mois de Ramadan. Et la prière de Tarawih, elle a bien souvent lieu au début de la nuit. Mais elle peut également avoir lieu au milieu de la nuit ou en fin de nuit, comme le font dans certaines mosquées durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et ce afin de veiller en adoration durant ces nuits. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 20 premières nuits du mois de Ramadan, il priait et il dormait, sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsque venaient les 10 dernières nuits, alors il redoublait d'efforts et il réveillait sa famille pour l'adoration. Et il est venu dans certains hadiths qu'il veillait toute la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est voulu par ces veillées, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est le fait de veiller dans l'adoration, dont la prière de nuit. Et la prière de Tarawih, elle est légiférée en groupe dans les mosquées. Et il ne convient pas aux musulmans de s'absenter de cette prière ou de délaisser la prière de nuit durant le mois de Ramadan. Car si tu ne pries pas en ces nuits, alors il t'échappe un grand bien. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » Quiconque prie les nuits de Ramadan avec foi, c'est-à-dire avec foi en la légitimité de cette prière, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en espérant la récompense, c'est-à-dire que tu accomplis cette prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Quelle récompense immense pour celui qui est assidu à cette prière durant tout le mois de Ramadan. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Man qama laylat al-qadr imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » Quiconque prie durant la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et ces hadiths sont rapportés par les imams al-Bukhari et Muslim. La nuit du destin, comme vous le savez, ce n'est pas une nuit fixe parmi les nuits du mois de Ramadan. Mais Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, dit que toutes les nuits du mois de Ramadan, il se peut qu'elles soient la nuit du destin. Et bien sûr, les nuits les plus propices sont les 10 dernières nuits. Donc celui qui prie chaque nuit du mois de Ramadan et qui ne délaisse la prière de nuit en aucune de ces nuits, alors il s'est garanti d'avoir prié la nuit du destin. Et il obtiendra la récompense du Qiyam, du mois de Ramadan en entier. Et il aura sans aucun doute prié durant la nuit du destin, car il aura prié toutes ses nuits. Alors que celui qui est négligent, qui prie certaines nuits, dort certaines nuits, délaisse la prière certaines nuits, alors celui-ci, il se peut qu'il lui échappe la récompense de ses hadiths. Et il se peut qu'il lui échappe la veillée en prière durant la nuit du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit concernant la prière de nuit durant le mois de Ramadan, Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, c'est-à-dire que tu pries la prière complète avec lui, alors il lui sera écrit la prière de la nuit entière. C'est-à-dire que si tu pries derrière l'imam, du début jusqu'à la fin, alors c'est comme si tu avais passé ta nuit complète en prière, de Salat al-Isha jusqu'à Salat al-Fajr. Et ceci, il n'y a pas de doute que c'est une récompense immense. Et ce hadith, il nous montre l'erreur de certains musulmans, qu'Allah nous guide ainsi qu'eux, qui rentrent à la mosquée, accomplissent deux unités de prière avec l'imam, ou quatre, et puis ils s'en vont. D'autres encore, ils prient deux unités, puis tu les vois s'asseoir ensuite au fond de la mosquée, puis ils reprient après encore un petit peu, et ainsi de suite. Ceux-là, ils n'obtiennent pas la récompense de ce hadith. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, alors celui-ci obtient la récompense de toute la nuit en prière. Ceci nous indique donc l'importance de cette prière, du début jusqu'à sa fin et durant toutes les nuits du mois de Ramadan. Et ce afin d'obtenir les récompenses immenses mentionnées dans ce hadith. Donc durant ce mois, tu ne dois pas priver ta propre personne de ces récompenses. En effet, le musulman, il est en grand besoin d'augmenter le nombre de ses bonnes œuvres, d'augmenter le nombre de ses hasanats. Il n'y a personne parmi nous qui ne commet pas de péché. Tout au long de l'année, tu tombes dans de nombreux péchés et dans de nombreuses désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité en ce mois les causes pour te repentir et pour te faire pardonner tes péchés. Celui qui prie le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Ceci est une récompense immense que tu ne dois pas laisser t'échapper. Également, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il obtient la récompense de la prière de nuit complète, comme s'il avait prié toute la nuit. Et ce qui était connu de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, c'est qu'ils faisaient de grands efforts dans les œuvres pieuses. Et pas seulement pendant le mois de Ramadan. Mais lorsque venait le mois de Ramadan, alors ils redoublaient d'efforts. Et ils accomplissaient cette prière de nuit, la prière de Tarawih. Car ils savaient ce qu'elle comportait comme récompense. Ils priaient donc la prière de Tarawih et ils la priaient longuement, de longues unités de prière. Il est même rapporté de certains d'entre eux qu'ils se reposaient sur un bâton tellement la station debout était longue. Certains accrochaient des câbles entre les poteaux des mosquées pour se retenir. Et ce, car la station debout était très longue. Et il arrivait parfois qu'ils n'arrêtent de prier qu'à l'approche de la prière du Fajr. Et qu'ils avaient peur de manquer le suhur. Et tout cela, car c'était des fervents adorateurs. Ils faisaient de grands efforts dans l'adoration. Et ils avaient conscience des grands biens qu'il y a dans ce mois, et notamment dans la prière de nuit. Et ce, malgré les efforts qu'ils faisaient tout au long de l'année. Lorsque venait le mois de Ramadan, ils multipliaient encore plus ces efforts-là. Quant à nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, on souffre de grands manquements et on souffre d'une grande paresse tout au long de l'année. Donc, si le mois de Ramadan vient et que tu le fais suivre, comme les autres mois, par la paresse et la négligence, quand est-ce que tu vas profiter? Quand est-ce que tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce que tu vas remplir tes registres de bonnes œuvres? Il convient donc aux musulmans de ne pas laisser passer ces nuits sans multiplier les efforts dans l'adoration. Et qu'ils veillent à accomplir cette prière, la prière de Tarawih, la prière de nuit durant le mois de Ramadan. En plus de cela, à notre époque, la prière de Tarawih est très légère dans les mosquées. Nombre d'imams accomplissent cette prière de manière légère et de manière courte. Et ce, afin d'encourager les fidèles à rester présents à cette prière. Et malgré ça, nombre de personnes accomplissent la prière de l'Aïcha et sortent de la mosquée. Et ça, c'est pour les meilleurs d'entre eux qui sont venus accomplir la prière de l'Aïcha. Et il n'y a pas de doute que ceci est une manière de se priver soi-même de grandes récompenses. Et ceci nous indique la grande insouciance qui a pris le dessus sur le désir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de multiplier les bonnes œuvres en ce mois. Que vas-tu profiter si tu délaisses cette prière, la prière de Tarawih? De quoi profites-tu en sortant de la mosquée et en délaissant cette prière? Que vas-tu faire de plus important que la prière de nuit durant ce mois? Vas-tu te plonger dans les ragots et dans les discussions inutiles qui ne te profitent en rien durant ce mois? Vas-tu rechercher les biens de ce bas monde? Que vas-tu rechercher en délaissant cette prière? Que vas-tu profiter en délaissant cette prière et en te plongeant dans des choses futiles? Le musulman, il doit faire des efforts tout au long de l'année et encore plus durant ce mois. Ne laisse pas cette occasion t'échapper. N'oublie pas que tu as devant toi soit le paradis, soit l'enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les gens du paradis et de nous préserver du feu de l'enfer. Tu as devant toi des comptes que tu vas rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes œuvres seront posées. Le registre de tes œuvres te sera présenté. La moindre de tes œuvres sera notée. Celui qui accomplit le moindre bien le verra. Et celui qui accomplit le moindre mal le verra. Au jour de la résurrection, le registre de tes œuvres te sera présenté pour que tu le lises. N'attends pas ce jour-là pour te demander des comptes. N'attends pas ce jour-là pour te rendre compte de ta négligence. Mais c'est maintenant le temps du réveil. Tu ne dois pas laisser passer ces nuits dans le sommeil et l'insouciance. Tu ne dois pas laisser passer ce mois immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour ses serviteurs afin de leur pardonner leurs péchés et leurs mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce mois un mois durant lequel il a franchi nombre de ses serviteurs du feu de l'enfer. Alors sois assidu durant ce mois, sois assidu à la prière de nuit et ne néglige pas ces nuits. Ne suis pas tes désirs et tes passions. Ne suis pas les gens qui sont insouciants. Ne suis pas les gens qui sont négligents et qui t'encouragent à la paresse durant ce mois. Mais prépare-toi à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens repentant à Allah subhanahu wa ta'ala et ne néglige pas ces nuits et ne cours pas à la perdition avec les perdants. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous la prière durant ces nuits du mois de Ramadan. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite et la rectitude dans nos œuvres. Et je lui demande subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs sincères qui suivent avec ferveur la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.